FrenchPod.com. Je peux vous aider, madame ? J'ai la chambre 38 et je ne suis pas du tout satisfaite. Quel est le problème ? D'abord, ma chambre donne sur la cour et je voulais une vue sur le Sacré-Cœur. Ensuite, il devait y avoir un balcon, mais ce n'est pas le cas. Je vais vérifier votre réservation. Vous souvenez-vous quand vous l'aviez faite ? Jeudi dernier. Je vois. Il y a eu une erreur. Malheureusement, l'hôtel est complet pour le moment. Il n'y a pas d'autre chambre disponible à part la suite. Mais il faudrait payer un supplément de 300 euros par nuit. Je refuse de payer un tel prix alors que c'est de votre faute. Je voudrais parler à votre supérieur. Veuillez patienter, je vais le chercher.